إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جزاك الله خير يا شيخ. Donc je vais traduire inchallah ce que Cheikh Ibrahim Hafidhullah a mentionné et ensuite nous allons commencer le cours inchallah. Donc il avait mentionné sur l'importance d'adorer Allah Azza wa Jal avec sa voix. On vient dans les maisons d'Allah Azza wa Jal, en espérant se faire pardonner par Allah Azza wa Jal, en espérant recevoir des récompenses par Allah Azza wa Jal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut adorer Allah Azza wa Jal avec connaissance et non avec ignorance. On ne fait pas comme les chrétiens qui adorent Allah Azza wa Jal sans science. Et il avait mentionné ce athar de Abdallah bin Mas'ud radiallahu anhu lorsqu'Abu Musa al-Ash'ari est venu le voir, lui disant, il y a des gens qui se sont réunis dans la mosquée, et il y en a un qui leur dit, il jette des pierres, et il compte les tasbih, c'est-à-dire le fait de dire subhanallah, les tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, les takbir, le fait de dire Allahu Akbar, il leur disait, dites 100 fois Allahu Akbar, et il faisait ça en cœur. Et donc il a vu ça, il est parti voir Abdallah ibn Mas'ud, ça c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Mas'ud lui a dit, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Il a dit, j'ai préféré venir te voir et t'informer. Et ça, ça montre que lorsqu'on... comment que doit réagir le musulman? Il doit retourner aux savants, aux gens de science, subhanallah, lorsqu'on ne sait pas. Et donc, il est venu avec ses compagnons, Abdallah ibn Mas'ud, et il les a trouvés en train de faire le dhikr en groupe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Waylukum, malheur à vous. Malheur à vous. Êtes-vous sur une voie meilleure que, ils ont dit, il a dit malheur à vous. Il a dit, êtes-vous sur une voie meilleure que la voie sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ou ouvrez-vous les portes de l'égarement? C'est une des deux. Soit ils sont sur une voie meilleure qu'était la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou soit ils ouvrent la porte de l'égarement. Ils ont dit, oh, Abu Abdurrahman, c'est la cognée d'Abdallah ibn Mas'ud, nous ne voulons que le bien. Il a dit, combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Subhanallah. Soit vous êtes sur une guidée meilleure que la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit vous ouvrez les portes de l'égarement. C'est pour ça qu'il est important, yani, de s'éduquer dans la religion. Et la chose la plus importante dans la religion, c'est la croyance, la aqidah. La aqida du musulman. C'est sur cela qu'on se fera questionner dans la tombe. Première étape dans le delà, c'est la aqida. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Et comment l'avez-vous su? J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai adhéré. J'ai lu le livre d'Allah et j'y ai adhéré. C'est pour ça que tout enseignement doit commencer sur cela. Et c'est pour ça que, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah nous facilite, amin, on insiste sur cela et on essaie de faire en sorte que tout soit clair dans la croyance. Ça ne sert à rien de commencer à inviter les gens à venir prier, ou à porter le hijab, ou à être gentil avec leurs voisins, ou à être gentil avec les gens. Car, barakallahu fikum, si la croyance n'est pas correcte, si la croyance à l'origine déjà n'est pas correcte, elle n'est pas ferme, d'accord? Eh bien, même si tu invites une personne à vouloir porter le hijab, une femme, ou un frère à venir prier, ou à être gentil avec son voisin ou quoi que ce soit, yani, soit il le fera pour toi, pour te faire plaisir, ou soit il va commencer puis il va s'arrêter. Ou soit, ce qu'on entend toujours, je ne suis pas convaincu. Pourquoi tu ne portes pas le hijab? Je ne suis pas convaincu. Subhanallah. Il y a quelqu'un encore qui doute de la véracité et de la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, comme on avait déjà vu, voyez les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les 13 premières années, il éduquait ses compagnons sur la croyance pure et correcte, le pur monothéisme à Allah azza wa jalla. 13 premières années à la Mecque. Et tous les détails dans la sharia et la prière ne furent révélés qu'après ces 13 années-là. Lamma staqamat al-quloub, lorsque les cœurs ont été fermes sur une croyance pure et ferme. Maintenant, lorsqu'ils reçoivent, c'est comme la dernière fois, un frère m'avait dit, parce que j'avais oublié de le mentionner, j'ai été coupé, lorsque des gens sont venus voir Ali, radiallahu anhu, ils lui ont dit, comment se fait-il que un verset ait été révélé, vous appliquez directement? Parce que le prophète Mohammed sallam les a éduqués sur la croyance pure. Sur la croyance pure. Donc c'est lorsque la croyance du serviteur d'Allah azza wa jalla est ferme, pure, pas de doute. C'est pas quelqu'un, il vient, il va lui donner un doute et il sait plus où se mettre. Elle est ferme, claire. Là maintenant, lorsqu'il est invité à suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il est invité à obéir à Allah azza wa jalla, il va aimer. Parce qu'il aime Allah azza wa jalla. Et il aime la religion d'Allah azza wa jalla. Et il aime ceux qui aiment Allah azza wa jalla. Donc, il ne faut pas mélanger les choses dans la da'wah. On ne commence pas à inviter à venir prier ou à porter le hijab. On doit d'abord corriger la croyance des gens. Une fois que ça, c'est sur une base claire et pure, bien claire. Et lorsque je dis on doit enseigner la croyance, c'est bien sûr basé sur les deux révélations. Barakallahu fikum. Le Coran et la sunna. Mais pas seulement, selon la compréhension des sahabas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué aux compagnons. Pas comme nous on croit que c'est. Ou pas comme certaines personnes veulent prendre un verset et lui donner sa propre interprétation. Jusqu'à aujourd'hui, il y a même des mécréants qui disent « Mais non, il y a diverses interprétations. » On retourne à la compréhension de nos sahabas et de ceux qui les ont suivis à la perfection. Durant les différents cours, on avait parler souvent du polythéisme majeur. L'avant-dernier, c'était sur parmi les types de polythéisme mineur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient d'une définition du shirk? Qu'est-ce que le shirk? Qu'on s'en rappelle. Le polythéisme. Le polythéisme. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdallah ibn Abbas radiallahu anhuma, An taj'al lillahi naddan wa huwa khalaqak. Que tu donnes un associé à Allah. Le polythéisme majeur, celui qui annule l'islam, que tu donnes un associé à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et le polythéisme mineur, c'est-à-dire celui qui n'annule pas l'islam, mais qui corrompt la croyance du musulman, polythéisme mineur, هو كل ما ورد فيه لفظ الشرك إلا الأكبر. C'est tout ce qui est imprégné de polythéisme sans entrer dans la catégorie des majeurs, d'accord ? Ceux qui n'annulent pas l'islam. Comme par exemple, on avait dit, parmi les exemples, le fait de jurer par autre qu'Allah, le fait de dire ce que Allah veut et ce que tu veux, ça fait partie du polythéisme, on avait dit que ça c'était, et qu'il fallait dire, si on veut vraiment inclure le toi, on doit dire ce que Allah veut, puis ce que tu veux, et le mieux c'est dire ce que Allah veut seulement. Certaines personnes disent même, j'ai confiance en toi, astaghfirullah. Ça, c'est interdit de dire ça. D'accord ? Parce que la confiance, ce sont des actes du cœur, l'adoration. D'accord ? Ce sont des actes d'adoration vers Allah Azza wa Jal. D'accord ? Il est permis, comme on avait dit, de mandater quelqu'un, mais on place sa confiance en Allah. D'accord ? Et on a. Non. Oui. Mais ça c'est dans le lafd. D'accord ? Barakallahu fik, ça c'est dans le lafd. C'est-à-dire c'est dans ce qui est prononcé. Ce qui est prononcé. Et toujours le mieux c'est que le musulman, il doit s'efforcer à habituer son langage pour s'assurer qu'il ne va pas corrompre, qu'il ne va pas tomber dans des choubouettes ou qu'il va tomber dans des types de polythéisme. D'accord ? Comme on avait dit aussi parmi les types de polythéisme mineur, insulter le temps. Ou insulter la journée. J'ai eu une journée de... C'est quoi le temps qu'il fait aujourd'hui? Oh, c'est un... Ouais, dès qu'on tombe dans les habitudes, on se met à faire cela. Parce que le temps, c'est Allah Azzawajal qui le régit. D'accord ? Donc si la personne qui insulte cela, eh bien en fait insulte Allah Azzawajal. Donc c'est pour ça les dangers, et c'est pour ça qu'il est important de connaître tout cela. Comme on avait dit parmi les autres types de polythéisme mineur, on avait vu Ar-Riya wa Suma. Ar-Riya, l'ostentation. Talab al-Manzil fi qulub an-nas bi ra'ihim. C'est le fait de rechercher dans une position dans le cœur des gens. L'ostentation, linguistiquement, c'est le fait de rechercher une position dans le cœur des gens. On fait quelque chose pour que on ait cette place dans le cœur des gens, qui nous considèrent enfin, hein, qui nous voient, on attend d'eux que, tu vois, ils disent quelque chose pour nous. Ah, oh, mashallah, tu es. La personne par cela annule l'acte d'adoration. Et on avait détaillé que si la personne prie, elle fait pour Allah Azzawajal, puis il y a des frères qui commencent à rentrer, puis l'ostentation commence à s'intégrer, elle commence à, hein, à essayer de faire pour que les gens disent elle. Mais elle essaie de se renouveler son intention. Et les ulama ont dit qu'ils espèrent, Inch'Allah, que ça va avec l'intention première, c'est-à-dire qu'il l'a fait sincèrement pour Allah. D'accord ? Ils sont d'accord sur cela. Et la différence des ulama, c'est lorsque ils ont dit si la personne, pendant l'acte d'adoration, se met à faire de l'intention, alors que l'intention première, c'était pour Allah. Mais si elle se met à faire pour autre qu'Allah, d'accord, yani, elle tombe dans l'ostentation, elle veut montrer et tout ça, ils ont différé les ulama. D'accord, comme on avait vu, les positions de l'imam Ahmed, rahimallah, et l'imam Hassan al-Basri. Certains disaient que l'acte d'adoration devient invalide, parce qu'il l'a mélangé avec l'ostentation au cours de l'acte d'adoration. Et d'autres, ils ont dit non, on va avec l'intention première. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, Inch'Allah, barakallahu fik. Donc ça, c'est les types de polythéisme majeur et mineur, et l'importance de cela, et le danger. Comme nous allons voir, Inch'Allah, sur quatre règles très importantes, Inch'Allah, et ça, on va le faire sur plusieurs cours, Inch'Allah. Basé sur les commentaires des grands savants de la Sunna, un contemporain et un décédé, Allah irhamou, Cheikh Ubayd al-Jabri, hafidhullah, et Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah. Car, lorsque je les ai étudiés, c'est pour... Il y en avait un qui était clair. Les deux, ils sont clairs. Mais il y en avait un qui complétait l'autre. Certains détails qui étaient importants, que je trouve importants, donc, de mentionner. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Je demande à Allah, le généreux Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Et qu'il te bénisse où que tu sois. Et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, patient lorsqu'il est éprouvé, et repentant lorsqu'il est pécheur. Car ces trois qualités sont les signes du bonheur. فَقَدْ اسْتَهَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ رِسَالَةَ هَذِهِ بِهَذِهِ الدَّعْوَاتِ الْعَظِيمَةِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ حَرِيصٌ عَلَى إِفَادَةَ الْمُخَاطِبِ. L'auteur a débuté son livret, son message par ses grandes invocations. Ceci est une preuve qu'il est soucieux de bénéficier au mieux celui qui lit ce livret ou qui entend le contenu en lui souhaitant tout le bien dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Wad-da'atu thalitha, hein, les trois qu'on avait mentionnés, lorsque la personne elle est éprouvée, elle patiente, lorsque il pêche, il se repent. Et lorsqu'il reçoit des bienfaits d'Allah Azzawajal, il remercie Allah. Ça, ces trois-là. وَالدَّعْوَةُ ثَالِثَ سَأَلَ اللَّهُ لَهُ مَا هُوَ عَلَمَةُ السَّعَادَةِ. Les signes du bonheur. الشُّكْرُ عَلَى النِّعْمَةِ الصَّبْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارُ فِي حَالِ الذَّنْبِ. Dans la troisième invocation, l'auteur invoque Allah pour les lecteurs ou celui qui entend ce message, lui invoquant ce qui est les signes du bonheur, qui consiste à remercier Allah sur les bienfaits qu'Allah lui donne, à patienter lorsqu'il est éprouvé, et à demander et rechercher le pardon d'Allah Azzawajal lorsqu'un individu pêche. فمن توفرت فيه هذه الخصال الثلاث كان في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى وغاية التذلل وغاية الخشية بالغيب والشهادة من الله سبحانه وتعالى. Donc quiconque réunit ces trois qualités sera plus humble envers Allah Azza wa Jal, reconnaîtra mieux sa faiblesse et son besoin. Il ne devient pas arrogant. D'accord ? Il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît son besoin constant d'Allah Azza wa Jal. Hein ? Et il craindra plus Allah Azza wa Jal. Si l'individu tourne sur ces trois points-là, subhanallah, ça c'est la solution pour tous ceux qui tombent dans les dépressions. Subhanallah. Tu es éprouvé, c'est un test. Tu patientes sur cela. Tu sais que ça provient d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'Allah aime son serviteur, il l'éprouve. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne des bienfaits, il est reconnaissant, il remercie Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il pêche, il revient vers Allah repentant. Il tourne sur cela, c'est la clé du bonheur. Donc il reconnaîtra mieux sa faiblesse et son besoin d'Allah le Très-Haut et craindra plus Allah Azza wa Jal quand cet individu est isolé, qu'il soit seul ou au sein des gens. Il craindra Allah Azza wa Jal. Il sait qu'Allah Azza wa Jal l'observe constamment. Et il sait qu'il devra rendre des comptes. Et il sait que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal. جعله صدرا لهذه الرسالة تمهيدا لما بعد ذلك من القواعد الأربع التي من خلالها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمشركين. هذا التمهيد يتضمن أولا تحديد الحنيفية. D'accord. Donc, l'auteur a débuté son livret par cela en tant qu'introduction. Ce que je vais vous mentionner tout de suite, inshallah. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion d'Ibrahim, al-Hanifiyya, et que tu adores Allah en lui vouant exclusivement le culte. Comme le dit Allah le Très-Haut, et je ne crée les djinns et les humains, dans la traduction du sens du verset 56 de Sourate Dhariyat, et je ne crée les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc l'auteur a débuté son livret par cela, en tant qu'introduction pour ce qui suit, concernant les quatre règles, dont à travers elles on voit par cela comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait avec les mécréants et les polythéistes. فقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. Le Cheikh رحمه الله a rappelé que la hanifiyya consiste à ce que tu adores Allah en lui vouant exclusivement le culte. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحنيفية في كتابه ثناء على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Et nous savons qu'Allah le Très-Haut a mentionné dans plusieurs endroits dans son livre Al-Hanifiyya en tant que compliment à Ibrahim alayhi salam, l'ami rapproché d'Allah le Très-Haut. Wa na'lamu thaniyan anna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an yattabi'a hadhihi al-milla fi mawadhi'a kathiran min kitabihi kama qala ta'ala ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. Et nous savons deuxièmement qu'Allah le Très-Haut a ordonné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ceci est mentionné dans de nombreux endroits dans le livre d'Allah le Très-Haut, tel qu'Allah azza wa jal dit dans la traduction du sens du verset 123 de sourate An-Nahl, les abeilles. Puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point des associateurs. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الله عنه أنه أوحى إليه أن يتبع ملة إبراهيم فإن الحنيفية السمحة التي رضي الله رضي سبحانه وتعالى للعباد والبلاد ولم يرضى غيرها. الله le Très-Haut nous informe qu'il a révélé au prophète Mohammed de suivre la religion d'Ibrahim, car Allah le Très-Haut agrée le culte exclusif pour lui seul. Et c'est ce qu'Allah Azzawajal agrée de ses serviteurs. Et il n'agrée rien d'autre en dehors de cela. وثانياً ذكر المصنف رحمه الله أن الله خلق العباد لأجل ذلك. Deuxièmement, c'est que l'auteur rappelle qu'Allah Azza wa Jal a créé les gens pour ce but. Pour ce but-là, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal nous a créé. Barakallahu fik. Travailler, c'est pas un but en soi. Travailler, c'est un moyen. On cherche du travail pour nourrir notre famille parce que c'est une sadaqa, pour payer la zakat parce que c'est une ibada, pour ne pas demander aux gens car la main qui est au-dessus est mieux que la main qui est en dessous. D'accord ? Donc c'est un moyen, on ne doit pas en faire un but. Parce que sinon, c'est comme nous avons vu dans les cours sur parmi les types de polythéisme mineur, Abdou dinar ou dirham ou khamisa. Le serviteur du dinar, de l'argent, des beaux habits, quand est-ce qu'il devient un serviteur de cela? Lorsque lui, son but, ça devient un but en soi, le fait d'amasser de l'argent. Peu importe les moyens, que ce soit halal ou haram, son but, avoir de l'argent. Donc il ne faut pas qu'on mélange les choses. Allah nous a créés pour qu'on l'adore seul. Il y a des gens qui font toute une vie et ils meurent, ils ne savent même pas pourquoi ils ont été créés. Donc Allah Azza wa Jal nous a créés pour qu'on l'adore seul, sans rien lui associer. يعني لأجل إخلاص الدين له واستدل بهذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني لم يخلقهم لشيء آخر غير عبادة الله سبحانه وتعالى. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal les a créés afin qu'ils vouent un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Et l'auteur a utilisé comme preuve claire le verset 56 de Sourate Al-Dhariyat : je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Il ne les a pas créés pour autre chose en dehors de l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدا على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache alors que l'adoration ne porte ce nom que si elle est monothéiste. Tout comme la prière ne porte ce nom que si elle est pratiquée en état de pureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Meftahu salat al-wudu » La clé de la prière, c'est les ablutions. « Tahrim wa takbirat al-ihram wa tahlil wa taslim » Ce qui rend interdit de faire dans la prière, c'est-à-dire de parler autre que ce qui est légiféré, de rire, de manger, de discuter, ce qui rend tout cela haram, c'est le fait de faire takbirat al-ihram. Allahu Akbar. Wa tahliluha at-taslim. Et tout ce qui rend permis maintenant de faire tout cela, c'est le fait de faire le taslim. Salam alaykum wa rahmatullah. D'accord ? Donc lorsque tu sauras qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache alors que l'adoration ne porte ce nom que si elle est monothéiste, tout comme la prière ne porte ce nom que si elle est pratiquée en état de pureté. En effet, lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt, tout comme l'impureté corrompt la purification. Si une personne a fait sa prière et elle perd ses ablutions, la prière n'est pas acceptée. Cela invalide la prière. Elle est obligée de sortir de la prière. Elle est obligée de sortir de la prière et d'aller faire ses ablutions. Alaykoum salam, tamam. Parce qu'une prière sans ablution, c'est interdit. Si je me souviens bien, c'est l'imam Al-Qayyim, rahimahullah, qui avait dit parmi les châtiments de la tombe, c'est de faire une prière sans ablution. Donc, lorsque l'on sait que l'impureté, le fait de perdre ses ablutions, annule la prière, eh bien, c'est également pour ce cas-là, le shirk annule l'adoration. خلاصه هذا اولا ان الله لا يقبل عباده خالتها الشرك. En résumé de tout cela, tout d'abord, Allah n'accepte pas un acte d'adoration qui est imprégné par du polythéisme. فمثال عباده التي خالتها الشرك الذبح. Le cheikh va donner deux points. Le premier point, c'est le cas où est-ce que il y a un acte d'adoration qui est mélangé avec du polythéisme. Et dans le deuxième cas, il va donner un exemple où est-ce que la personne fait un acte d'adoration, elle fait pour Allah Azzawajal. Donc elle ne l'a pas mélangé avec du polythéisme. Mais ce qu'elle fait en dehors de cela, tu vois, va annuler cet acte-là. Parmi les exemples, donc, les actes d'adoration mélangés à du polythéisme, l'immolation, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Une personne, lorsqu'elle vient pour égorger l'animal, si elle associe le nom d'un mort, d'un sidi, je ne sais pas quoi, un wali, qui a dit que c'est un wali ou je ne sais pas quoi, d'accord, avec Allah Azzawajal, ça annule l'islam de la personne. Celui qui égorge pour autre qu'Allah, ça annule son islam, c'est plus un musulman. Hein? Il doit se repentir, refaire les shahadatayn, subhanallah, et faire la prière, comme Allah Azza wa Jal dit à propos des mushrikin dans surat al-Tawbah, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةُ وَآتَوُوا الزَّكَاةُ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, font la prière et donnent la zakat, ils deviennent vos frères en religion. Donc là, c'est l'exemple où est-ce que le dhabh, vous voyez cet acte d'adoration-là, il a associé avec Allah Azza wa Jal un mort, un wali, ou je ne sais pas quoi, je vais nadhbah pour sidi, je ne sais pas quoi. Et il va me marier ma fille, il va me faire que mon fils il ait son bac, il va faire je ne sais pas quoi. Hein? Il va préserver ma maison, astaghfirullah. D'accord ? Si une personne fait ça. Donc vous voyez cet exemple-là, il a mélangé dans un acte d'adoration, il a mélangé du polythéisme, ce qui annule cet acte-là. فَلَوْ كَانَ يَذْبَحُ لِلَّهِ أُضْحِيَ وَيَذْبَحُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ. Donc c'est là ce que j'ai dit, s'il immole un sacrifice pour Allah Azza wa Jal et pour autre qu'Allah parmi les créatures. ومثال العبادات التي لم يخالطها الشرك لو كان الإنسان يصلي لله ويحج لله ويصوم لله لكن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لكان مشرك الشرك مفسد للعبادة محبط للعمل. Donc parmi les actes d'adoration qui ne sont pas mélangés à du polythéisme en eux-mêmes, si l'individu prie pour Allah Azza wa Jal, il vient à la mosquée, il fait sa prière, il fait pour Allah Azza wa Jal seul, fait le pèlerinage, il fait des économies pendant je ne sais pas combien d'années ou je ne sais pas combien de mois pour payer une somme énorme aujourd'hui pour faire un hajj, il faut payer 5 000 euros. Imaginez tout cet effort là qu'il fait, hein? Et il fait une chose qui va annuler tout ça. Donc si l'individu prie pour Allah, fait le pèlerinage pour Allah, jeûne pour Allah, cependant ce même individu invoque autre qu'Allah ou recherche le secours en autre qu'Allah dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire, celui qui fait cela est un polythéiste. Même s'il prie, même s'il fait le pèlerinage, même s'il jeûne pour Allah, car le polythéisme annule, invalide les actes d'adoration. Certains groupes écrivent dans leur livre « Va à Médine, à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dis « Ô messager d'Allah, je te demande l'intercession. » A'oudou billah, astaghfirullah. Ça annule l'islam de la personne. Ça annule l'islam de la personne. Pourquoi ? Parce que ces individus, ils n'arrivent pas à comprendre que l'invocation, c'est une adoration. Qui a dit ça ? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Qala Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation est l'adoration. L'invocation est l'adoration. Et dans une autre riwaya, wa fi riwaya ukhra, ad-du'a mukhul ibada. L'invocation est la tête de l'adoration. Et Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Jinn, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dit, j'invoque Allah et je ne lui associe rien. Allah Azza wa Jal a bien montré que le fait d'invoquer autre qu'Allah, c'est une association. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Donc imaginez, il jeûne, il prie, il fait les tarawih, il se lève la nuit, il prie, il jeûne les lundis, jeudi, trois jours de Ayyam al-Bayt, les jours de Ashura, et il fait des économies pour aller faire le hajj, ou pour aller faire une umrah. Et il arrive là-bas, puis il veut aller, après qu'il a terminé les rituels, les rites du pèlerinage, il va aller visiter la tombe du prophète Sarsan. Il n'y a pas de problème là. Ici, il n'y a pas de problème. Allez visiter la barakallahu fikoum. Le problème, il est où? Il est lorsqu'il va invoquer autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'invoque pas. Regardez ce qui s'est passé entre les sahaba. D'accord? Il y a eu une fitna qui s'est déroulée entre eux. Est-ce que pour autant, ils sont partis à la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ô messager d'Allah, donne-nous la solution. Ou bien, ô messager d'Allah, que doit-on faire? Ou bien, ô messager d'Allah. Vous voyez? Et ça, c'est très, très, très, très, très important. Parce que c'est une question, il y a écrit, barakallahu fikum, c'est une question de paradis ou d'enfer. Pourquoi on va se mettre dans des problèmes? Allah azza wa jal, il nous ordonne de l'invoquer lui seul, sans rien lui associer. Donc si une personne pense, même dans ce qui était mentionné, lorsque, cependant, alors, ce même individu recherche du secours, en autre qu'Allah, dans ce que seul Allah peut faire. Dans ce que seul Allah peut faire. Par exemple, si je dis à mon frère, tu peux me donner un verre d'eau, il peut le faire. Tu peux me donner à manger, il peut le faire. D'accord ? Mais si je lui dis, mon frère, intercède pour moi, il ne peut pas le faire le jour de la résurrection. Parce que l'intercession, c'est Allah qui la donne. C'est pas lui qui va décider, il va dire, ok, je vais te choisir toi. Voilà. Qui te dit que Allah va te permettre, toi, de faire l'intercession, d'intercéder? Il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui peut le faire, ça. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ou à ton shir qui se trouve, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, oh shir, supporte-moi, aide-moi, ou je sais pas quoi. Ou croire que son shir connaît l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. La a'lamu al-ghayb. Walau kunta a'lamu al-ghayb. Walau kunta a'lamu al-ghayb. Lastakthartu min al-khayr wa ma massani as-su. Walau kunta a'lamu al-ghayb, barakallahu fik. Donc si je connaissais l'invisible, le mal ne m'aurait pas touché et j'aurais pu accumuler le bien. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas l'invisible. Donc aujourd'hui, entendre des personnes dire que son shirk connaît l'invisible, il n'y a que seul Allah qui connaît l'invisible, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait un partenaire avec Allah, azza wa jal. A'oudou billah. Ça, c'est du shirk. Vous voyez les dangers? Donc, s'il fait le pèlerinage, jeûne pour Allah, prie, mais il fait des autres actions en dehors d'Allah, n'aam, ça va. Vas-y, quoi, Inch'Allah, c'est pas trop long. En fait, par rapport à l'intercession, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut intercéder pour nous. Barakallahu fik, justement le... Bien sûr, avec la permission de Dieu. Barakallahu fik. Ce sujet-là de l'intercession, c'est la semaine prochaine, on le fera. Ouais. Dans le détail. Et il y a un verset dans le Coran, je ne sais pas lequel, surat, « Wala sadiqin hamil ». C'est-à-dire le kuffar, dans l'enfer, ils vont vouloir... quelqu'un qui peut intercéder pour, ou alors, ça fait un hamim. C'est-à-dire, cela implique qu'un sadet hamim, un ami proche, ou un frère en Dieu, il peut, avec la permission de Dieu, intercéder pour un croyant. Pour un croyant, barakallahu fik. Ça, on va détailler ça, inshallah, dans la, inshallah, parce qu'aujourd'hui, on va essayer, inshallah, de terminer la première règle. Dans la deuxième règle, c'est la semaine prochaine, inshallah, dans le détail. Bi idhnillah. Pour enlever tous les moindres doutes dans tout cela, inshallah, parce que c'est très détaillé dans ce commentaire-là, alhamdulillah. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Dans Surat al-Baqarah, ayat al-Kursi. Qui peut intercéder, hein? Excepté de par sa permission. D'une part, comme on, j'ai pas envie de trop rentrer dans le détail parce que ça c'est la semaine prochaine, inchallah, pour pas mélanger les choses. La personne, c'est Allah Azza wa Jalla qui choisit qui pourra intercéder. Et ça c'est un honneur pour cette personne-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourra intercéder que pour ceux qu'Allah Azza wa Jalla aura choisi. Donc inchallah, on va détailler ça inchallah barakallahu fik la semaine prochaine bi idhnillah, dimanche prochain inchallah. وقد كانت قريش في جزيرة العرب يوم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادات. Et قريش avait des actes d'adoration, hein, quand le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم leur fut envoyé. كانوا يصومون عاشورا وكانوا يسيلون الرحم وكانوا يحجون وكانوا يعتقون ويتصدقون فما قبل الله ذلك منه. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans ce peuple de Quraysh, qui est une tribu arabe. Ils avaient des actes d'adoration. Ils jeûnaient Ashura. D'ailleurs, Ashura, barakallahu fik, mercredi. Mercredi, c'est le 9. Jeudi 9 et vendredi. Jeudi 9 de Muharram et vendredi 10. Donc c'est la sunna, cette jeûner le 9 et le 10, jeudi et vendredi, inshallah, qui viennent, hein, entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Donc, les polythéistes, ils jeûnaient à Ashura. Ils entretenaient les liens de parenté. Ils faisaient le pèlerinage. Ils affranchissaient, libéraient des esclaves. Ils versaient l'aumône. Cependant, malgré qu'ils ont fait tout cela, Allah Azza wa Jal n'a rien accepté de tout cela, de leur part. Pourquoi ? Car ils associaient à Allah Azza wa Jal. ويدل على فساد العبادات بالشرك هذه الآية التي ذكرها المصنف وهي آية براء حكم الله سبحانه وتعالى فيه عن المشركين بأمرين. Le verset de sourate Bara, يعني Bara, c'est pour sourate At-Tawba, la 9e, prouve l'invalidité. Donc le verset de cette sourate-là, de sourate At-Tawbah, prouve l'invalidité des actes d'adoration. Et Allah le Très-Haut a jugé sur les polythéistes deux points dans ce verset. D'accord ? قال الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. وفي النار هم خالدون. الأمر الأول أنه لا ينبغي لهم أن يعمروا مساجد الله يعني شرعا لا ينبغي ليس أهل لها أما قدرا فقد يعمر المشرك مسجدا يبني ويزينه ويزود بما يحتاج قدر الله سبحانه وتعالى أن يعمر هذا المسجد لكن شرعا ليس عمارا لها. D'accord ? Le premier point dans ce verset-là, dans la traduction du sens du verset, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ce dont les œuvres sont vaines, et dans le feu ils demeureront éternellement. Traduction du sens du verset 17 de Sourate Al-Isra. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas que les polythéistes peuplent les mosquées d'Allah, c'est-à-dire selon la législation d'Allah Azza wa Jalla. Les polythéistes ne doivent pas peupler les mosquées, car ils ne font pas partie de ceux qui ont le droit de peupler les mosquées. Mais Allah Azza wa Jalla a prédestiné, donc là c'est une différence, d'accord, entre ce qui est shar'an et entre ce qui est qadran, d'accord. Donc, mais Allah Azza wa Jalla a prédestiné le fait qu'il se peut que les polythéistes construisent des mosquées, les peuples, les décors, et il rajoute tout ce dont la mosquée a besoin, mais selon la législation d'Allah, ils ne font pas partie de ceux qui peuplent les mosquées. D'accord ? Ils ne font pas partie de ceux qui peuplent les mosquées. Parce qu'il y en a, il y en a. Hein. Ils font des mosquées et puis ils invoquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? وثانيا حكم عليهم بأنهم في النار وأن أعمالهم حابطة التي عملوها وهذا مثل قوله تعالى ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Et deuxièmement, Allah le Très-Haut a jugé, parce qu'Allah Azza wa Jalla dit qu'ils seront en enfer et que toutes leurs œuvres qu'ils ont pu faire seront vaines, invalides. Telles que la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset 65 de Sourate Az-Zumar, « En effet, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. » Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras certainement du nombre des perdants. وَبِهَذَا يُعْلَمْ أَنَّ الَّذِينَ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى مَنْ يَزْعَمُونَ فِيهِمَ الْوِلَايَةَ بِقُرُبَاتٍ كَذَبْحٍ وَنَذْرٍ وَقِرَاءَةِ قُرْآنَ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ تَقَرُّبًا لِهِمْ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَنْفَعُهُمْ عِبَادَتُهُمْ فَعِبَادَتُهُمْ كلها حابطة ما دام أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى غيره فالله لا يقبل عبادة إلا مع التوحيد. Et de par cela nous comprenons que ceux qui tentent de se rapprocher d'Allah vers ceux qui prétendent, par exemple, qu'ils vont dire que ça c'est un wali, d'accord, et ils veulent se rapprocher d'Allah et par celui-là, hein, comme les mouchikines, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient à propos de leur statut, nous ne les adorons que pour se rapprocher d'Allah. D'accord ? Donc ceux qui tentent de se rapprocher d'eux, c'est awliyés, alliés d'Allah. En se rapprochant d'eux par le biais d'immolation, ils vont égorger pour eux des animaux ou faire des vœux, des souhaits en disant que si tu me fais ça, je te rapporte 3 bougies. Moi, je vous le dis, hein, parce que c'est ce qui se passe. Je te rapporte 3 bougies ou 6 bougies. Fais marier ma fille, je te ramène un couscous. Fais que mon fils a son bac, je te ramène un couscous plus 5 bougies. Je les mettrai moi et je te les allumerai. Tout ça. Donc, yani, c'est des vœux qu'il fait, d'accord ? Bien, celui qui fait ça, ou qui lit même le Coran, hein, sur leurs âmes, tous ces actes d'adoration sont invalides. Ça annule tous ces actes d'adoration. Car ils ont associé à Allah Azza wa Jal ces actes d'adoration pour autre qu'Allah le Très-Haut. Car les actes d'adoration, les ibadah, hein, ce sont le droit d'Allah Azza wa Jal seul. Et Allah n'accepte pas un acte d'adoration excepté avec le pur monothéisme, tawhid Allah. العبادة حق الله سبحانه وتعالى فلا يقبل من المرء العبادة حتى تكون جميع عبادته كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. L'adoration, c'est le droit d'Allah, le Très-Haut, seul. Pas une adoration n'est acceptée de l'individu jusqu'à ce que toutes ses œuvres, ses actes d'adoration ne soient voués qu'à Allah seul. Toutes les œuvres, tous les actes d'adoration ne doivent être voués qu'à Allah Azza wa Jal seul. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce danger-là. On fait les prières, on ne la fait que pour Allah. On fait le jeûne, on ne le fait que pour Allah. Puis la personne affaiblit devant quelque chose ou un problème et elle commence à invoquer autre qu'Allah. Ça annule tout ce qu'elle a fait. T'as fait des efforts pour te lever la nuit. T'as fait des efforts pour venir au Qiyam de Ramadan. T'as fait des efforts pour ramasser tout cet argent. Subhanallah. Et la personne, elle perd tout ça que lorsqu'elle va corrompre sa croyance. Donc l'adoration, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal seul. Pas une adoration n'est acceptée de l'individu jusqu'à ce que toutes ses œuvres, ses actes d'adoration ne soient voués qu'à Allah seul. s'il fait les actes d'adoration sincères pour Allah seul, comme j'ai dit, tels que la prière, zakat, pèlerinage, mais en plus il recherche le secours auprès des morts, ou sacrifice pour autre qu'Allah, ou invoque et recherche le secours vers autre qu'Allah, ça annule tout. Cela invalide toutes les œuvres. استدل المصنف رحمه الله بدليل فقهي فاستدل على أن الشرك إذا خالط العمل أفسد بالحدث الذي يفسد الطهارة وبفسد الطهارة تفسد الصلاة فاستقام الدليل على أن العبادة لا تسمى عبادة لله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد الخالص له في جميع العبادات. L'auteur a également utilisé une preuve de fiqh ici, comme on avait mentionné, par l'analogie qu'il a fait. Hein, dans ce cas-là, prouvant également par cela que le polythéisme, s'il se mélange à une œuvre, celle-ci devient corrompue et invalide, telle que l'impureté invalide les ablutions et invalide la prière. D'accord ? C'est pour cela qu'une adoration n'est considérée comme telle uniquement avec le pur monothéisme, sincère pour Allah Azza wa Jalla. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et lorsque tu sauras que le polythéisme se mêle à l'adoration, que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt et annule toutes les actions, et rend celui qui le commet parmi les éternellement damnés à l'enfer, tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose. Il se peut alors qu'Allah te sauve de ce piège qu'est l'association à Allah, au sujet duquel il dit, dans la traduction du sens du verset 116 de Sourate An-Nisa, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. هذا تنبيه إلى أنه لا يكفي للمسلم التوحيد لله والعبادات. بل لابد أن ينضم إلى ذلك البراءة من الشرك. Et ceci est un avertissement. Qu'il ne suffit pas aux musulmans d'unifier Allah dans les actes d'adoration. C'est pas suffisant, même ça. D'accord ? Il ne suffit pas aux musulmans d'unifier Allah dans les actes d'adoration. Mais il est absolument essentiel et nécessaire que cela soit joint le fait de se désavouer du polythéisme. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim selon Abi Hurayra radiallahu anhu, قال رسول الله sallallahu alayhi wa sallam من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. Qui témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité excepté Allah, et qui mécroit, il a joint à cela, et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et son bien deviennent sacrés, son jugement revient à Allah Azza wa Jal. ومثال آخر كذلك لا يكفي للمرء أن يكون على السنة بل لا بد أن ينضم إلى ذلك نفوره من البدعة وبغضه وبغض أهلها كذلك. De plus, ça se concerne la première shahada, ce qu'on a vu. Et là, ça concerne aussi la deuxième shahada. L'alliance et le désaveu se fait aussi dans les deux shahadatayn. Barakallahu fikum. Il n'est pas suffisant pour un individu d'être sur la sunna. Comme nous avons vu, il n'est pas suffisant pour un individu d'unifier Allah dans l'adoration. Mais il doit unifier Allah dans l'adoration en étant sincère. Et en plus de cela, il doit joindre à cela le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et dans la deuxième shahada, il n'est pas suffisant d'un individu d'être sur la sunna. Mais il est essentiel et nécessaire qu'il joint à cela le fait de fuir l'innovation religieuse, de s'en écarter, de la détester, ainsi que les gens de l'innovation. Tout cela pour unifier Allah Azza wa Jal dans tous les actes d'adoration et se conformer sincèrement à la religion d'Allah, le Très-Haut. Je vais terminer sur ce dernier point-là, Inch'Allah. Pour être long. Inch'Allah. وهناك أمر آخر وهو أنه يجب على من يعلم الناس دين الله أمران. Et ici, il y a un autre cas. Il est obligatoire pour ceux qui enseignent aux gens la religion d'Allah Azzawajal qu'il y a deux points. Donc, cela, je vais les laisser, Inch'Allah, pour la semaine prochaine parce que ça va être un peu plus long. Ça ne va pas faire une minute. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera et on arrivera sur le sujet de l'intercession, Inch'Allah. جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير